إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence le cours 25 dans l'explication de al-usul al-thalatha avec le sharh du Cheikh Zayd al-Madkhali hafizah Allah. La bonne nouvelle, alhamdulillah, c'est que au début de la semaine, le Cheikh Zayd, qui était à l'hôpital, il était malade, eh bien, il est sorti de l'hôpital, alhamdulillah, et sa santé est bien maintenant, alhamdulillah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui prolonge sa vie et la rend remplie de bienfaits et de bénéfices pour les musulmans partout dans le monde, pour qu'ils puissent profiter encore et encore de sa science pendant des années et des années à venir. Et que, inshallah, ce soit bénéfique pour tous les musulmans. Donc, on va continuer avec l'explication du cours de Al-Usul al-Thalatha. On était arrivé à l'explication de la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab lorsqu'il dit: فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ. Donc, si on te demande qui est ton Seigneur, qui est ton Rabb, c'est qui t'a créé, c'est qui ton maître, eh bien tu dis: mon Rab, c'est celui qui m'a créé, c'est celui qui me donne ma subsistance, et c'est celui qui s'occupe de tout, toutes les créatures, tous les mondes, parce qu'il donne à tous les mondes de ses grâces. Donc on avait lu un peu de résumé de qu'est-ce que le cheikh avait dit à ce sujet-là, puis il expliquait que la plus grande ni'ma, c'est la ni'ma de l'islam. La plus grande grâce que Allah nous a faite, c'est la grâce de l'islam. Et le fait que, yani, il a parlé du fait que l'islam, c'était une religion qui était facile. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a la facilité pour nous. Et il nous a donné des exemples de cette facilité-là. Et qu'est-ce que ça signifie, cette facilité? Et il a expliqué le fait qu'on doit faire ce qui nous est ordonné et s'écarter de ce qui nous a interdit. Et que celui qui s'écarte de ce qui nous a interdit, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va illuminer son visage, hein, et illuminer son cœur et protéger son corps et lui donner de la force. Celui qui fait le contraire, eh bien, c'est le contraire. Celui qui va vers les péchés, eh bien, ou vers les innovations, vers les bid'ah, eh bien, son cœur va être malade et son âme va être corrompue et son visage va changer également. Il dit parce que les péchés, c'est une sorte de ténèbre, une noirceur qui vient dans le cœur et dans les poitrines et dans les visages, et une faiblesse qui tombe sur le corps. Et l'obéissance d'Allah, c'est une lumière et une vie, et ça donne de la force en apparence et à l'intérieur. Donc c'est pas étonnant que ce soit comme ça, puisque la plus grande grâce, c'est la grâce de l'islam, et c'est la plus grande grâce par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait grâce à sa umma, la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il dit: amma ni'am ad-dunya fala tadkhul tahta al-'id wa la tadkhul tahta al-hasr. نعمة الخلق والإيجاد نعمة هذا التكوين للإنسان البشري الذي ذكره الله تبارك وتعالى به في قوله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وفي قوله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا التكريم هو بصيانة أعراضهم وحماية أموالهم وصيانة دمائهم، كل ذلك رعاية من الله سبحانه وتعالى أنعم بها على أمة الإسلام. Donc, il y a également des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la dunya. Et ces grâces que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait, donc il a mentionné les grâces dans la religion, maintenant les grâces dans la dunya, eh bien, tu ne peux pas les calculer, tu ne peux pas les compter tellement elles sont nombreuses. La grâce de la création, le fait qu'il t'a créé, hein, le fait qu'il t'a donné l'existence, donc ça c'est des grâces. Hein. La grâce yani, du fait qu'il a créé l'homme, hein, et il mentionne dans le verset 4, dans Surat At-Tin, nous avons créé l'homme dans la plus belle des formations, dans la plus belle des formes. Et il mentionne le verset 70 dans Surat Al-Isra, nous avons certes anobli les fils d'Adam, et nous l'avons fait porter sur la terre, la terre et par la mer. Et nous lui avons donné comme subsistance de toutes les bonnes choses, et nous l'avons préféré sur beaucoup d'entre nos créatures. Nous l'avons préféré sur beaucoup d'entre nos créatures. Donc, parmi les exemples de cette noblesse que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à l'homme, il y a le fait qu'il a préservé son honneur, qu'il a protégé ses biens, qu'il a protégé sa vie et son sang. Et tout ça, c'est yani, une attention qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, par laquelle il a fait grâce à la Ummah de l'islam. وهكذا تسهيل الأرزاق والأمن والاستقرار والمعيشة الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك من النعم التي قال الله عز وجل في شأنها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها والنعمة من الله وحده وما بكم من نعمة فمن الله. Donc le cheikh il dit le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a également facilité la subsistance et la sécurité et la tranquillité et la stabilité et les moyens de subsistance et le fait de la vie en société et la vie économique ainsi que beaucoup d'autres dans les différentes grâces que Allah subhanahu wa ta'ala nous a données. Et dans le verset 18 dans sourate An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala il dit et si tu calcules les grâces d'Allah tu ne peux pas les hein, tu ne pourras pas les dénombrer. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Tu ne peux pas les dénombrer, yarhamukallah. Ouais, parce qu'il peut tomber. Donc, le cheikh, il dit وَهَكَذَا تَسْهِلُ الْأَرْزَقِ. Donc, il a expliqué ça. Et il dit après وَالنِعْمَةَ مِنَ اللَّهِ وَحْدَ. La grâce, elle vient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 53, pardon. Le verset d'avant, c'est dans Nahl 18, et maintenant le verset que le cheikh a cité ici, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ, c'est le verset 53, dans Surat Al-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et vous n'avez pas de grâce excepté qu'elle vient d'Allah. Il n'y a pas de grâce excepté qu'elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ لِلْبَشَرِ عَلَى الْبَشَرِ فَهِيَ نِعْمَةٌ دَاخِلَةٌ فِي وَسْعِهِ وَفِي مَقْدُورِهِ. Donc si quelqu'un il fait une grâce à un autre être humain, eh bien cette grâce que cet être humain l'a fait à l'autre, elle rentre dans la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle rentre dans la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala de qu'est-ce qui lui a été prédestiné. ولكن الله تعالى أعان عليها. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a aidé à cette grâce. وجعل البشر سببا في حصولها. Et il a fait de l'être humain une cause dans l'obtention de cette grâce. Donc si quelqu'un te fait une grâce, hein, yani, alhamdulillah, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala en réalité. Donc c'est comme des fois tu demandes à des koufars, c'est qui t'a créé? Il dit c'est mon père et ma mère. Hein? Allah il a fait que ton père et ta mère soient des causes dans ton existence, mais ça ne veut pas dire que c'est eux qui t'ont créé. Puisque eux-mêmes n'ont pas créé leur propre corps. Donc comment ils pourraient te créer toi, hein, s'ils ne se sont même pas créés eux-mêmes, hein, les organes qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes pour être capables de te fabriquer ou de, disons d'être à l'origine de ton existence, ce n'est pas eux qui les ont créés, hein, ils les ont trouvés en eux-mêmes déjà comme ça quand ils sont nés, Hein? Donc ils n'ont aucune, faveur là-dedans. C'est, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit وأما المنعم الحق لقضاء الحاجة وتفريج الكربة وتسهيل الأمر فهو الله كما نص عليه في قوله وما بكم من نعمة فمن الله. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne donc la personne qui est derrière toutes ces grâces qu'on reçoit, celui qui nous fait cette grâce, al-mun'im, eh bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous délivre des malheurs et nous facilite les choses. Donc toutes les grâces qu'on a, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans le verset 53 qu'on a mentionné tout à l'heure, il n'y a pas une grâce que vous avez acceptée qu'elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهو معبودي ليس لي معبود سواه. Ça c'est la suite de la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab après avoir dit que si on te demande qui est ton Seigneur, tu dis mon Seigneur c'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui m'a créé, qui m'a donné ma subsistance et qui s'occupe et qui donne la subsistance à tous les univers, à tous les mondes par sa grâce, et il est celui que j'adore. وَهُوَ مَعْبُودِ. Il est celui que j'adore. لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَهُ. Je n'ai pas d'objet d'adoration autre que lui. Je n'ai rien d'autre que j'adore excepté lui seul. Le cheikh, il explique ça. Cheikh Zayd, il dit ثُمَّ قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَهُوَ مَعْبُودِ لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَهُ أي وَهَذَا هُوَ الْحَقِّ وَتِلْكَ هِيَ الْعَقِيدَةُ الصَّحِيحَةُ أن تعبد الله ولا تعبد أحدا سواه والعبارة هذه مأخوذة من قولك لا إله إلا الله. Donc le cheikh il dit, puis ensuite l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit il est mon ma'boud, il est celui que j'adore, celui que qui est l'objet de mon adoration. ليس لي معبود سواه, il n'y a rien d'autre en dehors de lui que j'adore. C'est-à-dire que c'est ça la vérité. Le cheikh dit, c'est ça la vérité. C'est ça la bonne aqida. C'est ça la bonne aqida. C'est le tawhid en fait. C'est-à-dire que, tu adores Allah seulement, et tout ce qui est en dehors de lui, tu le rejettes. Tout ce qui est adoré en dehors de lui, tu ne l'adores pas. Tu n'adores pas d'autres en dehors de lui. Et le cheikh il dit, cette parole-là, elle est tirée directement du témoignage de la foi. C'est-à-dire la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa, c'est la même chose que de dire la ilaha illallah, c'est la même chose. Fa huwa ma'budi fihi ithbatu al-ibada lillah wa laysa li ma'budun siwa fihi nafyu al-ibadati li ghayrillah. فكما أن لا إله إلا الله نفي تنفي جميع ما يعبد من دون الله وإلا الله تثبت العبادة لله وحده دون سواه. Donc le cheikh il dit, quand tu dis فهو معبودي, c'est celui que j'adore, معبود ça veut dire que c'est celui qui est adoré, la chose qui est adorée, donc c'est lui ce que j'adore, c'est lui la chose que j'adore, et il y a dans ça l'affirmation de l'adoration pour Allah seul. ليس لي معبود سوى, il n'y a pas d'autre chose que j'adore, il n'y a rien qui est adoré par moi en dehors de lui. Eh bien ça c'est la négation de toute autre chose qui pourrait être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu dis il n'y a pas d'adoration qui doit être offerte à autre que à Allah seul. Donc c'est la même chose que si tu disais comme quand on dit la ilah, ça c'est la négation, c'est la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et illallah c'est l'affirmation de l'adoration pour Allah, mais pour Allah lui seul, en dehors de toute autre chose. Il dit ensuite وَحَيْثُ إِنَّ الْأَحْكَامِ تُثْبَتْ بِأَدِلَّتِهَا وَالْأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ تَكُونُ فِيهَا الْقَنَاعَةُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَمِنْ سُنَّةِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Donc il dit du fait que les preuves des règles de la charia, c'est elle qui affirme les éléments de la religion. Donc toutes les éléments auxquels on croit ou les choses qu'on pratique dans la religion, elles doivent être établies par des preuves de la charia. Hein? Et c'est dans ça qu'il y a la conviction pour les gens de la foi et les gens de l'islam, ceux qui ont cru aux preuves de la révélation du livre d'Allah et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh dit, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit: Wa dalilu qawluhu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alameen, wa kullu ma siwa Allahi alam, wa ana wahidun min dhalika alalam. Donc, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit à la suite de ça, que la preuve que yani, c'est lui que j'adore et que j'ai rien d'autre en dehors de lui que je dois adorer, la preuve de ça, c'est dans l'exemple de la parole d'Allah, louange à Allah, le Seigneur des mondes. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Hein, c'est-à-dire que toute la louange appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Et le cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il dit, tout ce qui existe en dehors d'Allah rentre dans ce terme ici, alam, alam, al-alamin. Ça rentre dans le terme alamin. Donc tout ce qui est en dehors d'Allah rentre dans le monde, hein, dans les mondes. Et moi je suis un élément ou un individu qui fait partie de ce monde ou de ces mondes. Hein, donc je suis une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il explique ça, il dit: استدل المؤلف على تربية الله لخلقه وعلى أنه هو المعبود بحق وغيره لا يستحق من العبادة شيئا وقد استدل المؤلف رحمه الله على ذلك بقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. فالأل ألف واللام في الحمد للاستغراق، والمعنى أن جميع المحامد المطلقة هي لله وحده، لأنه هو المنعم وهو المتفضل على خلقه فيستحق أن يحمد حمدا مطلقا. Donc le cheikh il dit que l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné comme preuve du fait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le maître de tout et le créateur de tout et celui qui donne la subsistance à toute chose et qui fait toute chose se transformer, se développer et se mouvoir et ainsi de suite. La preuve qu'il a utilisée à ce sujet-là, que c'est lui le Rab de toute la création et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré et qu'il n'y a rien d'autre en dehors de lui qui mérite l'adoration ou qui mérite quoi que ce soit de l'adoration, eh bien il a mentionné le verset « Louange à Allah, le Seigneur des mondes ». Et quand on lit, le cheikh dit le « Al » devant « Hamd »,« Alif Lam », ça c'est un article qui définit « Al-Hamd » pour dire que ça comprend toutes les sortes de glorification. Donc toute la glorification, toute la gloire, toute la louange, sans exception, revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle appartient à Allah seul. Ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a rien en dehors d'Allah qui mérite toute la louange. Hein? Et si, par exemple, comme on a dit tout à l'heure, si une créature te fait quelque chose de bien, ou te fait un bien quelconque, eh bien, elle est uniquement une cause dans ce bien-là. Parce qu'en réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné ce bien. Mais il a fait en sorte que ce bien-là te parvienne par l'intermédiaire d'une de ses créatures. Hein, mais en réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala à qui revient la gloire et la louange pour ce bien-là. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas remercier quelqu'un qui nous a fait du bien. Hein? Comme si on va dire, par exemple, bon, ce bien-là, il m'est parvenu, mais c'est Allah qui me l'a donné, donc je ne vais pas remercier cette personne-là, je vais remercier Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Mais, yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, man la yashkur al-nas, la yashkur Allah. Hein? Celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi tu remercies Allah et tu remercies aussi les gens qui t'ont fait un bien quelconque, hein, parce que yani, ils t'ont fait un bien. Mais en même temps, c'est sûr que tu dis, au-dessus du bien que ces personnes-là t'ont fait, eh bien tu sais que ce bien-là, de façon absolue, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est lui qui t'a fait cette grâce et c'est lui qui mérite donc le mérite de ce bien en particulier. Donc c'est lui seul qui mérite le remerciement de façon absolue. ومعنى الحمد الثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهل بما هو له أهل، ثناء يليق بعظمته بعظمة الله وجلاله. وفي قوله عز وجل لله دليل على توحيد الألوهية المدلول عليه بلفظ الجلالة، لأن لفظ الجلالة الله معناه المألوه أي المعبود، والرب صفة لله عز وجل. Donc le cheikh dit la signification de Alhamd en arabe ça veut dire Al-Sana'u ala Allah, c'est-à-dire le fait de faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça de la, quand tu dis la louange ou la gloire, ça veut dire de mentionner les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si par exemple quand tu veux glorifier Allah, tu le glorifies en mentionnant tout le bien qu'il fait et toutes les qualités qu'il a. C'est ça la louange, d'accord. Et donc tu le glorifies et tu fais son éloge par ce qu'il mérite, hein, en mentionnant ce qu'il a comme mérite et ce qu'il a comme qualité et ce qu'il a comme action qu'il fait parmi les actions qui correspondent à sa grandeur et à sa majesté et à sa gloire et ainsi de suite. Et le cheikh il dit, et quand tu dis lillahi, hein, quand tu dis lillahi, alhamdu lillahi, il dit qu'il y a dans lillah une preuve de l'unicité d'Allah dans l'adoration. Il y a une preuve de l'unicité d'Allah que c'est Allah seul qui mérite l'adoration. Donc du tawhid al-uluhiyya, c'est une des catégories de tawhid parmi les trois catégories. Les trois catégories de tawhid, on les connaît. Il y a tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah dans la souveraineté, ou dans, comme on dit, des fois on dit la seigneurie. Tawhid al-Rububiyya, il y a Tawhid al-Uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans l'adoration, et Tawhid al-Asma wa sifat, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Donc dans le nom Allah, hein, on l'appelle en arabe Lafzul Jalala, hein, le terme de la majesté ou le mot de majesté, et bien dans ça il y a la preuve de l'unicité d'Allah dans l'adoration. Pourquoi? Parce que le terme Allah, ça signifie Al-Ma'lou. Allah, ça signifie Al-Ma'lou. Hein? En fait, c'est comme si tu disais Al-Ilah. Al-Ilah. Allah, ça veut dire, c'est comme si tu disais, quand tu dis Allah, ça veut dire Al-Ilah. Hein? Et Ilah, ça veut dire Ma'lou. Al-Ma'boud, c'est-à-dire celui qui est adoré, celui qui mérite l'adoration. Celui qui est le seul à mériter l'adoration. C'est ça que ça veut dire Allah, Al-Ilah. Et Al-Ilah, ça veut dire Al-Ma'lou. Et Al-Ma'lou, ça veut dire Al-Ma'boud. Et Huwa Rabb. Hein? Al-Rabb, le maître, le créateur, le seigneur, c'est une attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit Al-Alamin, jam'u alam. Hein? La mufrada lahu. Min lafzihi. Donc, alamin, il est sous la forme, il est sous la forme objective. C'est-à-dire, il est un objet dans cette phrase. Mais s'il est sujet, on peut dire alamun. Alamun quand c'est le sujet, alamin quand c'est l'objet. Al-fa'il ou al-maf'oul. Hein? Et ici il est au pluriel, mais il n'a pas de, le cheikh il dit, il a pas de singulier de cette forme. Donc c'est le pluriel de alam. Il dit la mufrada lahu min lafzihi. Il dit wa kullu ma siwa Allah min makhluqatihi ala ikhtilafi anwa' al makhluqat wa huwa yujma'u ala awalim. Donc c'est ça. Alamin, ça signifie tout ce qui existe en dehors d'Allah parmi les créatures. Peu importe les différentes sortes de créations, même des créations qu'on ne voit pas avec nos yeux. Ils forment des mondes aussi. Il y a toutes sortes de créations et de créatures. Il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on ne connaît pas. Il y en a qu'on voit, il y en a qu'on ne voit pas. Même les bactéries et les microbes, hein, qu'on ne voit pas avec nos yeux, qu'on ne peut même pas voir avec nos yeux, on peut seulement les voir avec des microscopes. Eh bien, c'est Allah qui les a créés et c'est lui le maître de ces créatures-là aussi. même les fourmis et les bêtes qui vivent dans la terre, il y en a qui sont tellement petites, on ne peut même pas les imaginer ou les voir. Hein? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est le maître de toutes ces créatures-là. Il est le maître de l'univers et même des plus petites et des plus grandes créations. Et tout ça, c'est sa création. Et nous, on fait partie de ces créatures-là. Donc le pluriel de alam, c'est alamin. Et le pluriel de alamin, c'est awalim. Aussi, un autre pluriel. Des fois, en arabe, il y a plusieurs sortes de pluriel. Donc il dit wal awalim asnaf muta'addida. عالم الإنس عالم الجن عالم الشياطين عالم الملائكة عالم الطير عالم الوحش إلى غير ذلك من العوالم التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليها بالخلق والإيجاد وفضل بعضها على بعض وجعل كل عالم على ما اقتضته حكمته وهداه لما خلق له. Donc le cheikh il dit Al-awalim, c'est les différentes sortes de mondes. Il y a plusieurs sortes de mondes, comme je disais tout à l'heure. Il y a le monde des hommes, le monde des djinns, le monde des diables, shayatin, le monde des anges, le monde des oiseaux, hein, le monde des bêtes sauvages, et ainsi de suite. Hein. Tout ça, c'est des mondes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Rab de tous ces différents mondes-là. Hein. Et tous ces mondes-là, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné de ses grâces. Et il les a créés, il leur a donné leur existence, et il en a préféré certains sur d'autres. Et il a fait que chacun de ces mondes-là, il les a fait chacun d'entre eux selon une sagesse, hein, selon une sagesse, yani, et selon sa sagesse. Donc, chaque chose qui existe, Allah il a une sagesse derrière son existence, et il y a une raison pour laquelle il les a créé. Et il a donné à chacun d'entre ces créatures-là sa guidance. Il dit فعالم الملائكة مثلا عالم ظاهر عالم طاهر جبل على الطاعة فلا سبيل لهم إلى المعصية أبدا لأن الله زكاهم بقوله لا يعصون الله ما أمرهم. Donc le monde des anges par exemple, c'est un monde pur. Il a été créé dans sa nature sur l'obéissance. Les anges ne peuvent pas désobéir à Allah. Ils ne connaissent que l'obéissance. Donc ceux qui pensent parmi les chrétiens et les autres, foires, les juifs, qu'il y a des anges chutés, qu'il y a des anges déchus, qu'il y a des bons anges, ça c'est pas vrai. La vérité c'est que tous les anges d'Allah sont bons. Et ils sont tous obéissants et ils ne peuvent que obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont aucun moyen de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah les a purifiés et il mentionne dans le Coran le verset 6 à leur sujet, dans surat Tahrim, ils ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'il leur a ordonné. La ya'asuna Allah ma amarahum. Et le monde des diables, hein, alam al-shayatin, alam jubilu ala fi'l al-ma'siyah. Fala sabila lahum ila fi'l al-ta'ati abadan. Wa hikmatan min Allah wa adlan. La yus'alu amma yaf'al. Le cheikh il dit, il y a le monde des diables qui ont été créés sur le fait de faire des désobéissances et de faire des péchés. Et ils n'ont aucune voie ou aucun moyen de faire l'obéissance. Ils ne peuvent jamais faire l'obéissance. Et ils ont été créés comme ça par Allah pour une sagesse, hein, et par une justice de sa part. Et il n'est pas questionné, c'est-à-dire Allah, il n'est pas questionné sur ce qu'il fait. Il n'est pas questionné. On n'a pas le droit de demander à Allah, « Oh Allah, pourquoi tu as fait ça ?» ou « Pourquoi tu n'as pas fait ça ?» Allah, « La yus'alu amma yaf'al. » وعالم الإنس وعالم الجن عالمان كلفهما الله تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأقام الحجة على هذين العالمين بإنزال الكتب وإرسال الرسل وجعل في كل فرد من أفرادهم قدرة واختيارا لفعل الطاعة تقربا إلى الله وترك المعصية امتثالا لنهي الله عز وجل فالمطيع يطيع بفضل الله ورحمته ثم بفعله وكسبه واختياره. والعاصي يعصي بعدل الله وحكمته ثم بفعله وهو مسؤول عن ذلك ومحاسب على ذلك. Donc le cheikh il dit que le monde des djinns et le monde des hommes, hein, le monde des djinns et le monde des êtres humains, c'est deux mondes à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la charge de leurs actions et qui doivent respecter les ordres et s'écarter des péchés. C'est pas comme le monde des anges et le monde des diables. Le monde des anges, ils peuvent que obéir. Le monde des diables ne peuvent que désobéir. Mais le monde des êtres humains, ils peuvent obéir et désobéir. Ils ont le choix. C'est ça la différence. Et le monde des êtres humains et le monde des djinns, ils ont le choix d'obéir ou de désobéir. Et donc ils sont ordonnés par Allah d'obéir et de s'écarter des interdictions. Et Allah a établi la preuve sur ces deux mondes. Il a établi la preuve en envoyant les livres et en envoyant les messagers. Et il a donné à chaque individu de ces peuples, de ces deux mondes, la capacité d'agir, la force, et la volonté et le choix de choisir l'obéissance pour se rapprocher d'Allah ou d'abandonner le péché pour respecter l'interdiction d'Allah. Donc Allah leur a donné le choix de faire la bonne action, de l'obéissance pour se rapprocher d'Allah, ou d'abandonner le péché pour respecter l'interdiction d'Allah. Donc celui qui obéit, il obéit par la grâce d'Allah et par sa miséricorde, et ensuite également par son propre action et ce qu'il a acquis, et par son choix personnel. Et celui qui désobéit à Allah, il désobéit par la justice d'Allah. Hein, celui qui désobéit à Allah, il désobéit par la justice d'Allah et par sa sagesse. Hein, parce que celui qui obéit, c'est par la grâce d'Allah. Et c'est une grâce que Allah lui fait, de lui permettre de l'obéir. Hein, donc quand tu obéis à Allah, tu ne dois pas commencer à te faire des éloges à toi-même pour te dire, ah, mashallah, moi j'ai fait beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, j'ai fait beaucoup de bonnes choses. Non, tu remercies Allah parce que tu dis c'est lui qui m'a donné la capacité de l'adorer et qui m'a fait cette grâce, hein, et cette faveur de me permettre de l'obéir et de l'adorer. Hein, donc la louange est à lui. Hein. Et c'est pour ça, une fois j'écoutais Cheikh Ibn Uthaymeen, il expliquait, il disait quand tu dis Alhamdulillah, hein, tu dis Alhamdulillah, remercie Allah qu'il t'a permis de dire Alhamdulillah, donc en remerciant de l'avoir remercié. Tu le remercies de t'avoir permis de le remercier. Et ça veut dire que c'est quand tu fais une bonne action, c'est quelque chose qui mérite un remerciement d'Allah. Et tu le remercies en l'adorant encore. Et donc ça veut dire que le bien amène toujours le bien. Et la bonne action appelle toujours à faire une autre bonne action. Parce que tu ne vas jamais être capable de remercier Allah suffisamment pour toutes les grâces qu'il t'a faites. Et, donc c'est ça, même après une adoration, tu dois toujours remercier Allah et demander pardon à Allah aussi. Naam, Iblis c'est un djinn, hein, puis il a été maudit par Allah parce qu'il s'est enflé d'orgueil. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit par la suite, il l'a écarté de sa miséricorde. Et il sait que sa place maintenant c'est l'enfer. Hein? Donc c'est ça. Donc c'est un shaitan. C'est devenu un shaitan. Oh, ouais. Il était parmi les créatures rapprochées d'Allah. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam, eh bien, lui, il a refusé. C'est ça. Le djinn, il a le choix d'obéir à Allah ou de désobéir à Allah. Puis les diables, ce sont des djinns qui ont choisi de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est ça. Ils sont devenus des diables. Et il y a des diables parmi les hommes aussi. Les diables ne sont pas seulement parmi les djinns. Il y a des diables hommes et il y a des diables djinns. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, « Shayatin al-djinn wal-ins ». Hein? Donc, même que les diables humains sont plus graves et plus dangereux que les diables djinns. Parce que les djinns, les diables hommes, peuvent faire des choses que les diables djinns ne peuvent pas faire. Les diables djinns, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est t'inciter et t'encourager ou t'insouffler, te suggérer des choses. Tandis que les djinns hommes, eux, ils peuvent même te forcer, même parfois, hein, utiliser la force que les djinns n'ont pas pour te faire tomber dans des péchés. Donc, le cheikh, il dit, pour terminer ce point, il dit, le pécheur, il désobéit, donc il dit, ثم بفعله وهو مسؤول عن ذلك ومحاسب عن ذلك. Donc, celui qui choisit de faire le péché, il l'a fait par la justice d'Allah et par sa sagesse et par son action à lui, puis il est responsable de ce qu'il a fait et il sera jugé pour qu'est-ce qu'il a fait aussi. Hein? Mais tout ce que quelqu'un fait comme péché ou comme obéissance, c'est par la prédestination d'Allah. Hein? Donc, ça c'est... Ok, donc on va traduire, on a expliqué un autre point, puis après on va s'arrêter, inshallah, si vous voulez. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Donc si on te dit comment as-tu ou par quoi as-tu connu ton Seigneur, tu dis par ses signes et par ses créatures. السؤال الثاني بما عرفت ربك وقد أرشد المؤلف بأن من الأشياء التي تكون علامات على معرفة الرب تبارك وتعالى ووجوب الإيمان به الآيات والمخلوقات. وإذا قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات إذا أطلقت تشمل الآيات الثلاث، الآيات الكونية والمراد بها هذا الكون بأسمائه بسمائه وأرضه وما فيهما، وتشمل الآيات البرهانية وهي المعجزات التي جرت على أيدي الرسل والأنبياء، كالمعجزات التي جرت لموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين وغيرهم من الرسل، كما هو موضح في القرآن الكريم والسنة المطهرة. والنوع الثالث من الآيات القرآنية وهي ما أنزله الله تبارك وتعالى على رسله من كلامه، ومن ذلك التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم وموسى وغير ذلك مما استأثر الله بعلمه. Donc le cheikh explique, quand l'imam il pose une deuxième question, il dit comment as-tu ou par quoi as-tu connu ton Seigneur. Et donc l'auteur ici il nous oriente vers certaines choses qui pourraient être des signes pour nous pour connaître notre Seigneur. Donc comment on fait pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, comment on fait pour arriver à le connaître, puisqu'on sait qu'on ne peut pas l'adorer sans le connaître, c'est impossible. Donc comment on fait pour le connaître, il faut savoir c'est quoi nos références pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit, étant donné que c'est obligatoire pour nous de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il faut des signes pour le reconnaître, et c'est obligatoire pour nous dans notre foi en lui, et ces références-là, ce sont ces signes, al-ayat et al-makhluqat, les signes et les créatures d'Allah, c'est ça qui nous indique qui est Allah subhanahu wa ta'ala et comment on le connaît. Donc, lorsque l'auteur dit, si on te demande comment as-tu connu ton Seigneur, tu dis par ses signes et par ses créations. Eh bien, le cheikh il dit que les signes, lorsqu'elles sont dites de façon absolue, elles comprennent trois catégories ou trois sortes de signes. Trois catégories ou trois sortes. Ça veut dire que les signes d'Allah sont de trois. Les signes qu'on appelle kauniya, c'est-à-dire les signes d'Allah dans sa création. Les signes qu'on appelle burhaniya, c'est-à-dire des signes qui sont des preuves. Et les signes quraniya, c'est-à-dire les signes du Coran, de la révélation. Et donc, le cheikh il explique que chacun d'entre eux, c'est quoi ? Comme al-ayat al-kawniya, c'est les signes dans la création, comme par exemple le ciel, la terre, et tout ce qui est à l'intérieur de ces deux choses-là. Ça, c'est des signes d'Allah, dans la création d'Allah. Ça veut dire que, en observant ces choses, on peut arriver à avoir une certaine connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de qui il est. D'accord ? Ensuite, Ensuite, il y a les signes d'Allah qui sont des preuves, hein, des barahin, on appelle barahin, burhan, c'est-à-dire des évidences et des preuves. Donc, qu'est-ce que sont ces preuves-là? C'est l'exemple des miracles des prophètes, que les prophètes ont fait à leur époque. Comme par exemple, les miracles de Moussa, Moïse, les miracles de Isa, Jésus, les miracles de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ajma'in. Le miracle, le plus grand miracle du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est... Hey, mashallah, barakallahu fik, Bilal. Donc c'est le Coran. C'est le plus grand miracle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, le cheikh il dit que yani, il y a d'autres prophètes aussi également qui ont fait d'autres miracles qui ont été expliqués également dans le Coran et dans la Sunna. Et la troisième catégorie de signes, c'est les signes dans le Coran. Et il dit que ça c'est dans, en réalité ça implique toutes les signes qui sont révélés dans la révélation d'Allah sur ses messagers par sa parole. Ça peut, ça comprend la Torah, c'est-à-dire la Torah, l'Évangile, l'Injil, Al-Zabur, Al-Furqan, c'est le Coran, et les pages ou les feuilles de Ibrahim et de Moussa, ainsi que d'autres également, parmi des choses que Allah a gardées dans sa connaissance, que nous on ne connaît pas, mais qui sont aussi des signes qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des, peut-être des révélations qu'on n'a pas entendu parler, mais que Allah connaît. Et donc tout ça, ça rentre dans la définition du terme ayat, ça rentre dans les, le terme des signes, hein, dont on parle ici. Et donc c'est pour ça que le cheikh quand il dit فَقُلْ بِآيَاتِهِ الْكَوْنِيَةِ إِذِ الْمَشَاهِدِ فِي الْكَوْنِ يستدل بها على الخلق العظيم وأنه لا يمكن أن يوجد صدفة ولا يمكن أن يوجده أحد من المخلوقات ولا يمكن أن يوجد بعضه بعضا كل ذلك مستحيل. Donc le cheikh il dit, quand l'auteur il répond, il dit بآياته, il dit on connaît Allah par ses signes. Ça veut dire quoi par ses signes? Par ses signes dans la création, الآيات الكونية. Et il dit que tout ce qu'on témoigne et tout ce qu'on peut voir dans la création, c'est un signe de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette grande création qu'on voit devant nous, tout ça c'est un signe de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça prouve que ça ne peut pas exister subitement ou par hasard, hein, comme les koufars disent par exemple que tout ça s'est apparu tout seul avec le Big Bang, et que yani, en une fraction de seconde, toute cette création-là est apparue d'elle-même, sans que rien ne l'ait causé. Et ça, c'est absolument absurde, et ça ne fait pas de sens de penser ce genre de choses. Hein, on ne peut pas penser que la création ou le monde est arrivé tout seul, il n'y a personne qui l'a créé, il n'y a rien qui l'a fait. Hein? C'est ridicule, non. Et non. En fait, pourquoi, qu'est-ce qu'on désigne par miracle en arabe? On dit mu'jizat. C'est en fait les choses que ces prophètes et les messagers font pour établir la preuve sur les hommes, hein, et leur prouver que qu'est-ce qu'ils disent vient vraiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ça ce qu'on appelle mu'jizat. Mais d'appeler les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même mu'jizat, yani, ça, c'est pas de cette façon-là que le terme est employé dans les textes, hein, pour désigner ce que Allah fait. Sinon, il y a beaucoup, tout ce que Allah a créé, c'est des mu'jizat dans ce sens-là. Si tu vas dire, tout ça, c'est des signes. Si tu vas dire dans le sens de signes, oui. Mais mu'jizat, c'est spécifique aux signes qui ont été amenés par les prophètes pour leur peuple, pour les convaincre. C'est de cette façon-là que le terme est employé. Même que qu'est-ce que les hommes pieux peuvent faire parfois de prodiges, on les appelle même pas miracles, on les appelle karamat, on les appelle pas mu'jizat, hein, karamat. Pourquoi? Pour distinguer entre ce que font les messagers et ce que font les hommes pieux qui sont pas des prophètes et des messagers, hein. Et yani, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Le cheikh il explique que donc tous ces signes, hein, on connaît Allah par ses signes, c'est justement des exemples de qu'est-ce qu'on mentionnait, que la création, elle a un créateur, elle s'est pas créée d'elle-même, elle n'est pas apparue toute seule, hein, comme les koufars, contrairement à ce que disent les athées. Et on a expliqué déjà dans les cours précédents que les athées, un vrai athée, ça n'existe pas, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui croit pas du tout que Allah existe, excepté avec sa bouche, il dit ça avec sa bouche par arrogance et fierté, mais dans son cœur, au fond de lui-même, il reconnaît que Allah existe et il le sait parce que il sait que quelque chose ne peut pas apparaître tout seul. Si je te dis ce gâteau là qui est là, il n'y a personne qui l'a fait. On n'a pas pris de la farine, on n'a pas pris du sucre, des fruits, les mélanger ensemble puis faire un mélange pour le mettre au four une certaine durée de temps puis que par la suite ça sort comme ça. Je dis, il est venu tel quel. Et comme il n'était pas là puis tout d'un coup il était là. Personne l'a créé. Oui, c'est toi qui l'as mis. Alhamdoulilah que c'est toi qui l'as mis. Mais sinon, on l'aurait dit, ça, c'est pas possible. Exactement. Parce que c'est ça qu'on veut dire, que ça se peut pas qu'il soit apparu tout seul. Eh bien, si. Barakallahu fik. Donc, si c'est le cas pour le gâteau, alors que dire de ce ciel, de ce soleil, de la lune et de tout ce qui existe là, hein? On voit la lune là-bas, puis le soleil est là. Les deux en même temps. Tu vois? Donc, c'est pour dire. Tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait, c'est pas apparu tout seul. Hein? Donc, ça indique, hein, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait. On ne peut pas dire que c'est créé tout seul, ça c'est impossible. Izan, fayabqa, hein, fayabqa, anna wujuda hada al-kawn, al-lazi yushahad, wal-lazi huwa min al-ayat al-izam, dalil ala wujud al-khaliq, subhanahu wa ta'ala, wa anna al-khaliq lahu. هو الله وحده وهكذا جميع المخلوقات على اختلاف أشكالها وأصنافها كلها دليل على وجود الخالق وعلى قدرته ومن ثم على استحقاقه للعبادة وحده دون سواه. Donc le cheikh il termine ce point en disant, donc يعني, il reste une chose, hein, c'est que cette création qui existe, hein, et qui est autour de nous et qu'on peut voir avec nos yeux, dont on est témoin, eh bien, celui qui les a, yani, qui les a créés, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur. Et ça fait partie de ses grands signes pour montrer et pour prouver son existence. Que c'est lui seul, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a tout créé ça. Hein, et que, de même que toutes les créatures, peu importe leur forme, peu importe leur catégorie, hein, toutes ces choses-là, ces créatures-là, sont des preuves de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est lui le créateur et qu'il existe. Et donc, yani, par conséquent, on dit et on conclut que c'est lui seul qui mérite d'être adoré et que rien, il n'y a rien qui mérite d'être adoré en dehors de lui. Ni les anges, ni les hommes, ni les djinns, ni les prophètes, ni les messagers, ni les saints, ni les arbres, ni les pierres, ni le soleil, ni la lune, ni le ciel, ni les idoles, ni peu importe qu'est-ce que ça peut être, toutes ces choses-là que les êtres humains adorent en dehors de lui, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne méritent rien de l'adoration. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est le Créateur Tout-Puissant de cette création, et tout ce qui est adoré par les êtres humains en dehors du Créateur, c'est batil, c'est faux, et c'est du shirk, c'est de l'idolâtrie, et c'est le plus grand péché, et que celui qui le commet, il va pas avoir de possibilité même d'entrer au paradis, jamais, parce qu'il a commis le plus grand péché. Donc on va s'arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui, puis demain, inshallah, on continuera à partir de ce point, hein, ou du point suivant, inshallah, pour clarifier plus en détail ces questions-là, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.